sont comme tu l'aimes. Prescrit par les psychologues, Raccoon City, c'est bien que tu l'es. Ouais, il est sur sportulé, concurrence capitulée. Après ce putain de CD, viens pas me demander, mais toi qui tu es. J'écrase les prods comme les chauffards écrasent les types. Trouvez mieux, voilà que je donnerais des types. La ville en piteuse, et ta m'inspire un petit peu. Mais le pire, c'est l'homme en lui-même, prêt à tout pour avoir ce qu'il veut. Tarzan russe, la voix de l'œil qui dit ce qu'il voit. Je pratique le rap pessimiste qui dit jamais ce qu'il va. Peut-être une fois, mais sans faire exprès. Si ça va vous plier, allez sans retour en faire express. En 2011, on est tous fâchés. La bague part au dans tripote pendant qu'on est tous flashés. C'est père, pourquoi pas. En plus, le mic, je le graille cru. Mais il faut de la chatte comme une pougave, les keufs n'ont pas cru. Mon talent est accru, j'éjacule quand j'écris. Ils entassent les morts avec nos corps, ils jouent à Tetris. D-A-R, anti-B-A-D-A-R, D-A-R. Ça sent trop la cloque, je préfère celle du S-B-A-R. Pour appliquer et une allumette à Total. Une bombe au troca ou un mentos dans le coca. La vie d'Aloca, les pontes la mettent à l'occasion. Je tourne en rond dans la tisse comme un poisson dans son bocal. Je me sens seul depuis le coup de ciseau dans mon cordon. On m'a dit t'es matrixé de ta coquille sordon. Moi sans mon rap c'est une femme sans ses cheveux. Le Moyen-Âge sans chevaux, un politique sans survie. La fête qui te vide, sans d'art en train de gueuler. Je marche en équilibre au-dessus de l'enfer sur des barbelés. Même les types de pute à la poliage comme ça crume. Le pire c'est qu'ils se mentent, ils disent c'est pas d'ici qu'est-ce t'as cru. Je participe là pas de moi de lui de plein de trucs. Dans ma tête y'a plein de soucis comme à Berlin y'a plein de turcs. D.A.R. T'as calmé c'est dans sa merde. Tous les soirs je défonce sa merde.